L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur l'antenne de RGB pour sa première diffusion et samedi matin pour sa rediffusion sur cette même antenne de radio locale. Aujourd'hui, présentation de nos invités, Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise qui coproduit ce magazine. Bonjour. Bonjour. Avec à ses côtés Sylvie Brodziac, maître de conférence au département des lettres modernes à l'université de Cergy-Pontoise, écrivain et secrétaire du conseil d'administration de la même scène nationale, l'Apostrophe. Bonjour. Bonjour. Avec en studio Xavier Gassman, psychanalyste et psychologue clinicien à l'hôpital René Dubos à Pontoise, où il interviendra en particulier sur une actualité importante qui aura lieu à l'Apostrophe au cours de cette saison et d'ici peu de temps, un parcours adolescent à l'Apostrophe. Oui, il interviendra également en compagnie de Sylvie Brodziac pour le même sujet. Enfin, pour les actions culturelles et différentes initiatives en direction des adolescents, eh bien, c'est Astrid Cosson de l'Apostrophe qui viendra nous donner des informations pratiques concernant l'ensemble de ces propositions. Commençons par le commencement avec un invité que nous avons eu par insert téléphonique. Il est metteur en scène en résidence à l'Apostrophe. Il s'agit d'Antoine Cobès pour un spectacle à voir d'ici peu, en tout cas en cours de saison à l'Apostrophe, Œdipe Roi de Sophocle, sur une mise en scène d'Antoine Cobès. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Antoine Cobès, on va parler d'un spectacle qui va être à l'affiche à l'Apostrophe de Cergy-Pontoise du 5 au 7 novembre prochain. Oui. Œdipe Roi, sur un texte français et une mise en scène que l'on vous doit. Vous êtes non seulement metteur en scène, mais j'ai vu qu'à la distribution de cette pièce, vous allez incarner même le rôle de Créon. C'est ça. Donc acteur également. Voilà, alors, acteur. Pourquoi, première question, pourquoi vouloir monter en 2013 encore Œdipe Roi? Est-ce que c'est un théâtre qui nous parle toujours, à nous, contemporains? Ah bah alors écoutez, là vous posez la seule question essentielle. La seule question essentielle, je monte cette pièce pour le savoir. Je ne le sais pas à l'avance. Je pense que oui, j'espère que oui, je suppose que oui, à un certain prix, un prix théâtral, qu'il faut essayer de payer. C'est-à-dire, je m'explique le plus rapidement possible, nous avons une vision de la tragédie qui nous a été léguée par le XVIIIe siècle, comme étant une sorte d'accomplissement d'une civilisation grecque d'il y a 2500 ans, surtout au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ce qu'on a appelé, pour aller vite, le miracle grec, où aurait été concentré en 70 ans une sorte de perle de civilisation qui ensuite se serait évanouie, se serait perdue avec les Romains, et pire encore, jusqu'au Moyen-Âge, où la barbarie aurait repris le dessus. Cette vision de l'histoire de notre civilisation européenne, elle est transportée depuis les lumières allemandes, Schiller, Schelling, au XVIIIe siècle. Et quand on se penche aujourd'hui où nous ne sommes plus, où nous commençons à sortir du siècle des lumières, d'une certaine manière, on se retrouve avec une tragédie grecque qui a un visage totalement différent. Philologues, archéologues, hellénistes se penchent beaucoup actuellement sur la question. Et on est obligé de renoncer à cette vision de la tragédie grecque comme espèce de nirvana culturel où la démocratie, le théâtre, dans son essence, aurait été fondé et qu'aujourd'hui, notre théâtre à nous, politique, se nourrirait toujours à cette tragédie grecque dont les historiens aujourd'hui disent « Désolé, mais cette tragédie grecque n'a jamais existé, jamais elle n'a constitué pour le peuple athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ » une quelconque tragédie. C'était au contraire, chaque année au mois de mars, dans les fêtes des grandes Dionysies, qui célébraient la puissance athénienne, c'était au contraire une sorte de grande fête qui n'avait strictement rien de tragique, puisque l'histoire de Diproie, tout le monde la connaissait, c'était une légende transportée depuis des siècles et des siècles par tradition orale qui arrive là sur le plateau. Et ce qui importe à Sophocle au moment où il l'écrit, c'est de produire pour une seule fois, de produire un spectacle total avec chant, danse, musique, une sorte, on pourrait employer le mot de revue aujourd'hui, une revue, je ne dis pas que c'est les Folies Bergères, bien sûr, mais enfin, une revue où le spectacle vivant, une sorte de performance, si vous voulez, où une cinquantaine de personnes sur le plateau, eh bien, offre un grand spectacle une fois par an, basé sur un texte que tout le monde connaît, qui raconte une histoire que tout le monde connaît, et l'essentiel n'étant pas le texte, mais l'essentiel étant le chant, étant la danse, étant la musique, étant les processions, etc. Ah. Et je finis, parce que je parle trop sans doute, comme d'hab, tout cela ayant un poids religieux fondamental qui aujourd'hui nous est totalement étranger. On ne peut pas se reconnaître une seconde, on ne peut pas comprendre ce que pouvait être pour un spectateur athénien telle invocation à Apollon, à Phoïbos, à Hermès, à Arès, etc. Mm. Tout ça pour nous est devenu une sorte de légende fantaisiste, comme des contes qui peuvent alimenter notre imaginaire fantaisiste, et heureusement c'est riche, mais enfin ça n'a plus de sens au sens propre, ça n'a plus de sens pour nous aujourd'hui. On voit bien, tel que vous en parlez, effectivement, que cette tragédie grecque réunit toute la gamme des théâtres, ce qui explique aussi qu'un homme de théâtre comme vous se soit aussi emparé de ce texte, au-delà du texte, texte tragique grec que vous présentez comme une trace parlante, une tragédie au présent de la représentation, et non comme un texte littéraire lointain, fermé sur lui-même, comme certains pourraient l'imaginer quand on évoque cette référence du texte de Sophocle. Oui, absolument. Le texte de Sophocle, qui est la seule trace qui nous reste de cette représentation dont on ne sait rien, de cette fête dont on ne sait rien et dont on ne peut pas comprendre le sens, ce texte a été porté, il a été versé dans la littérature et il a perdu sa puissance scénique. Et quand on le regarde, vous avez raison, quand on le regarde, on est complètement sidéré par la richesse théâtrale qu'il compose. Alors moi, je veux faire un truc très simple, en fait. Je veux radicalement mettre ce texte comme un enjeu entre un public qui sera là devant nous et nous, acteurs sur le plateau, raison pour laquelle je fais partie des acteurs sur le plateau. Et ce texte-là, nous allons l'inventer à vue, ensemble, avec nos moyens, avec notre pauvre théâtre à nous, et nous allons essayer de le faire résonner, hic et nunc, maintenant, avec les spectateurs en face, en l'inventant au fur et à mesure, et en allant comme à la poursuite de sa richesse théâtrale, sans nous demander, sans essayer de vivre sur le plateau, ce que pouvait bien être, par exemple, le ressenti, ou les lamentations, ou la terreur que pouvait inspirer le cœur. Il faut renoncer à ça, le cœur qui compose donc la tragédie, il faut renoncer à ça parce que ça n'a plus de sens. Alors comment faire pour aujourd'hui à faire entendre par exemple ces textes du cœur, c'est pas commode, à travers un moyen, un médium qui soit absolument contemporain. Voilà, c'est la question qu'on se pose et qu'on va essayer de résoudre face aux spectateurs. Mais on inventera ça ensemble avec les spectateurs. Oui, j'ai bien entendu et bien compris que au départ, cette tragédie grecque, effectivement, est inventée pour une communauté rassemblée. Et là, finalement, les spectateurs ne vont pas être dans un rôle habituel avec une distance posée entre le jeu des acteurs et le public. Mais là, ils sont impliqués carrément. Ils sont impliqués, non pas tant, on ne va pas leur demander de se lever et de participer au spectacle, non, ça non. On ne va pas leur demander de nous donner leur avis ou de les faire parler, ou etc. Non, ça je ne pense pas. Par contre, ce qui va se faire, c'est que le peuple rassemblé devant la skéné antique entendait tout ce qu'on lui racontait. Là, ce que nous allons faire, nous, c'est que ce peuple rassemblé pour savoir comment sortir de la peste qui ravage Thèbes, bon, c'est l'argument, c'est la toile de fond de Diproie, eh bien, ce peuple, ce sera les spectateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les premiers mots d'Œdipe sont « mes enfants, pourquoi êtes-vous là devant moi avec ces rameaux de suppliants? Alors il n'y aura pas de rameaux de suppliants à la main de chaque spectateur, bien sûr, mais enfin, ils seront là et ils seront pris à partie comme étant ce peuple à qui est destinée cette tragédie et comme étant un peuple qui lui-même a quelques soucis à se faire pour sa survie. Et la tragédie, enfin la pièce de Sophocle, doit essayer de sortir de cette situation épouvantable qu'est cette épidémie qui ravage la ville. On peut facilement faire un certain nombre de ponts, même si la peste a disparu de nos jours. Il y a suffisamment de sujets d'inquiétude autour de nous pour imaginer très simplement qu'on puisse se retrouver pour faire face à quelque chose qui nous dépasse, qui nous met en danger au sens vital du terme, et d'essayer d'y répondre par le théâtre. Voilà, en gros. Hein, Force de la pièce, c'est de tenir, et ça c'est le pari, tenir les spectateurs en haleine, accrochés au destin terrible de ce roi maudit, car vous dites, oui, ce texte on le connaît tous, les plus jeunes générations peut-être vont le découvrir à cette occasion. Juste deux, trois mots quand même pour situer l'action. Alors, oui, Oedipe, c'est comme d'habitude, vis-à-vis de ce genre de chef-d'œuvre, on a l'impression de le connaître, et puis en fait, quand on parle de la pièce, on s'aperçoit que tout est très flou dans l'esprit de beaucoup de gens, et c'est bien naturel, et la pièce elle-même échappe comme ça, on réduit ça à, par exemple, le complexe d'Oedipe, voilà, une sorte de tarte à la crème, comme ça, qui englobe la pièce, mais qui n'est pas la pièce. Alors, on est à Thèbes, dans la ville de Thèbes. Oedipe en est le roi depuis une bonne quinzaine d'années. Il a été porté au pouvoir par le peuple qui a voulu le remercier d'avoir libéré la ville de Thèbes de la Sphinge. Et on lui a donné pour récompense, donc il est devenu tyran au sens grec du terme, c'est-à-dire que le peuple lui a donné comme récompense le titre de roi, et il a épousé Jocaste, la femme de l'ancien roi, a eu 4 enfants avec elle, et il vit des jours plutôt heureux. Il est très aimé de son peuple, etc., jusqu'à ce que arrive cette peste qui lui fait envoyer à Delphes son beau-frère Créon, et l'oracle dit qu'il faut régler qui était le meurtrier de Laïos il y a 15 ou 20 ans. Et Oedipe mène l'enquête, et de découverte en découverte, de plus en plus pénible pour lui, de plus en plus troublante pour lui comme pour sa femme, petit à petit, il va arriver à cette vérité totalement insoutenable que c'est lui qui a tué Laïos, l'ancien roi, que ce roi était son père, qu'il a donc épousé sa mère et qu'il a eu des enfants qui sont ses frères et sœurs. Et ce destin, cette nouvelle identité qu'il découvre, qu'il a toujours cherché à fuir, parce que des oracles l'avaient prévenu, donc il a toujours cherché à fuir cette chose-là, il se retrouve la vivant depuis 15 ans, et cette identité est totalement insoutenable, totalement impossible, il ne peut pas se régénérer et vivre avec cela, raison pour laquelle il se crève les yeux, et là dans la pièce de Sophocle, une chose très très belle, où il ne s'agit pas de se suicider, on lui reproche de ne pas se suicider dans la pièce, le coryphée, le cœur lui reproche de ne pas se suicider, il dit non, je ne me suicide pas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va chercher à continuer à vivre, étant exclu de l'humanité ordinaire, des citoyens ordinaires, il va se retrouver sur la route et il va faire l'apprentissage de ce que c'est qu'une sorte de nouvelle identité, une nouvelle identité qui n'est plus identitaire. C'est-à-dire qu'il appartient à l'espèce humaine, au rejet de l'espèce humaine, il n'appartient plus à une famille insoutenable, il n'appartient plus à un peuple de citoyens, comme tout le monde, il est un errant, il est un solitaire, et il doit construire sa vie à travers cet aveuglement-là, dans cet aveuglement-là. Puis après, c'est Oedipe à Colonne, il sera accueilli par les Athéniens qui, de pestiférés, d'exclus, vont le transformer en une sorte de bienheureux, de saint, qui va ensuite protéger la ville d'Athènes par sa mort. Quand on évoque ce texte, effectivement, on parle souvent de richesse du texte, de récurrence des mots. C'est une langue qui nous parle toujours encore aujourd'hui, un texte universel. Oui, c'est un texte universel peut-être. Je ne sais pas, moi, je pense qu'il a quelques chances de continuer à l'être, indépendamment de moi, mais je crois que je préfère renoncer à son universalité pour le questionner pour ce qu'il est et voir comment est-ce qu'il va nous parler à nous, à vous j'entends les spectateurs, et peut-être allons-nous avoir quelques surprises, on ne sait pas. C'est pour ça que je le montre, c'est parce que je ne le sais pas. Merci Antoine Cobet, à bientôt. C'est moi qui vous remercie beaucoup, à très bientôt. Œdipe Roy donc de Sophocle sur une mise en scène, texte français, mise en scène d'Antoine Cobet avec qui on vient de s'entretenir sur cette antenne de votre radio locale RGB. Répétition publique mercredi 30 octobre à 19h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise avec trois représentations à Cergy-Pontoise le mardi 5 novembre à 20h30, le mercredi 6 novembre à 20h30 et enfin le jeudi 17 novembre à 14h30. C'est au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Avec une indication supplémentaire, c'est qu'il y aura une rencontre organisée avec les artistes à l'issue de la représentation du 6 novembre et que ce spectacle sera repris dans le Val d'Oise au mois de janvier prochain pour deux dates, les 9 et 10 janvier 2014 au Centre culturel Le Figuier Blanc à Argenteuil. Je crois avoir tout dit. Peut-être d'un mot sur une précision, Jean-Joël Le Chapelain, après avoir entendu Antoine Cobet par insert téléphonique. Petite précision aussi également, c'est un spectacle qui est présenté dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise pour cette édition 2013. Oui, enfin, il n'y a pas grand-chose à rajouter à la parole de l'artiste. On est toujours en attente, évidemment, de ce que produit un projet, puisque ça n'est pas nécessairement extrêmement précis dans la tête de... du réalisateur, du metteur en scène, comme il le disait lui-même Antoine il y a un instant. Et en même temps, on l'accompagne et on le suit, on le porte aussi pour qu'il réalise au mieux ce projet. Mais effectivement, c'est un grand moment, de toute façon, de théâtre, déjà par le texte, mais tout a déjà été dit. Petit détour en musique pour évoquer par quelques notes et une belle et divine voix, celle d'Eliane Elias, la nuit du jazz qui en sera à sa 6e édition. À l'apostrophe, c'est pour le mercredi 13 novembre prochain avec au programme, s'il vous plaît, l'exceptionnel pianiste cubain Gonzalo Rubalcaba et Eliane Elias qui va nous enchanter entre bossa, jazz et blues. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Un parcours adolescent à l'apostrophe avec au programme des spectacles à découvrir au cours de cette saison 2013-2014, mais aussi un colloque adolescence et création qui a pour intitulé « Nouveaux enjeux, nouvelles en je prononce, j'articule volontiers, avec c'est une actualité qui se passera en deux temps en ce qui concerne ce colloque, puisqu'il se déroulera tout d'abord le vendredi 15 novembre à l'université de Cergy-Pontoise et le lendemain, samedi 16 novembre, de 9h à 17h au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Avant cela, Jean-Joël Le Chapelain, occasion de nous présenter deux spectacles qui s'inscrivent dans cette thématique, dans ce parcours adolescent à l'apostrophe, avec le premier d'entre eux, Une année sans été, de Catherine Anne, sur une mise en scène de Joël Pomeras. Alors Joël Pomeras est invité à deux reprises dans le cadre de la saison 2013-2014 de la scène nationale. Et ce projet Une année sans été est un projet particulier, le deuxième étant Cendrillon, qu'il a déjà présenté en diffusion aux Ateliers Berthier la saison passée. Et là, il s'agit d'une création qui rencontre à la fois les problématiques que se pose ce metteur en scène, qui par ailleurs est auteur et qui, pour une fois, s'attaque à un texte qui est déjà écrit. Ce n'est pas un de ses textes qu'il travaille sur le plateau, comme à l'accoutumée, mais bien un texte qu'il a emprunté à Catherine Anne, qui est un auteur contemporain français, qui a dirigé pendant quelques années, quelques mandats, le théâtre de l'Est parisien et qui écrit depuis une trentaine d'années et qui est l'un de ses premiers textes. Et ce texte parle des adolescents, en fait, c'est des adolescents du XXe siècle et qui se posent des questions de l'existence, enfin, comme on s'en pose tous à tout moment, mais peut-être plus à l'adolescence, et qui sont les questions sur la création, la vie, l'amour, la mort, enfin, les grandes questions que l'on peut dire avec ironie, mais qui sont des véritables sujets quand même à beaucoup d'âges de la vie. Et alors la particularité de ce spectacle, en dehors de sa thématique, c'est qu'il sera monté par des comédiens professionnels et des comédiens en formation, puisque Joël Pomeras s'est jusqu'alors refusé à faire des stages en direction des comédiens. Il ne veut pas prendre des comédiens en stage dans sa compagnie. Et donc, comme il a quand même perçu l'importance de cet accompagnement, il a inventé ce module qui finalement est l'idée de monter avec des jeunes en doublette avec des anciens qui sont à côté d'eux, eh bien, de monter complètement le spectacle et donc de leur faire partager cette aventure du plateau jusqu'à la technique, puisque l'ensemble des postes de jeu et de technique seront doublés. Oui, d'autant qu'il est, selon lui, plus question de transmission que d'accompagnement, pour le coup. Voilà, c'est vrai, véritablement, en effet, la transmission que l'accompagnement. Oui, il ne s'agit pas d'accompagner des gens dans une démarche, mais plutôt de transmettre son approche, la qualité de la nature de son approche. Je dis la qualité, il n'utiliserait pas ces termes, lui, modeste comme il est, mais enfin, c'est quand même de cela dont il s'agit, et de permettre, finalement, à des artistes débutants de saisir de l'intérêt au contact des plus anciens, ce qu'est finalement la construction et la mise en forme d'un spectacle et l'exploration d'un texte qui est par définition quelque chose que l'on doit s'approprier avant de le proposer au spectateur. Joël Pomeras parle en ces mots de cette pièce. C'est une pièce très pertinente sur la jeunesse. Il précise, il rappelle que l'action se situe au début du XXe siècle, que les choses ont peut-être nécessairement changé depuis, mais c'est bien de prendre un peu cette distance pour finalement se parler, évoquer de sujets qui, quelles que soient les décennies, voire les siècles, se posent toujours sur des questions existentielles. Oui, enfin d'ailleurs, le répertoire de Joël Pomeras, qui, comme je le disais, écrit lui-même ses propres textes, traverse des questions de société. Il sort d'une exploration profonde sur plusieurs spectacles, sur le rapport des êtres dans notre société au capitalisme. Il n'appelle pas ça comme ça, parce qu'il parle poliment, mais ce sont les rapports aux marchands. Donc il a plusieurs spectacles comme ça qui traversent cette thématique et qui, finalement, placent toujours l'humain, l'homme, au travers de petites, l'homme et la femme évidemment, au travers de petites histoires, mais qui sont véritablement des prismes de regard qui permettent de bien comprendre ce qu'est la réalité que vivent les êtres aujourd'hui dans notre société. entre noirceur et légèreté, équilibre entre romantisme, sentimentalisme et cruauté. Il dit aussi qu'il s'agit d'une écriture simple et épurée. Donc on vous convie, auditeurs de RGB, jeunes et moins jeunes, même si c'est autour de cette thématique, tout le monde est concerné par cette thématique, les parents en premier lieu aussi, finalement. Et c'est du 18 au 21 mars prochain, à l'affiche de l'Apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy Centre. Deuxième spectacle qui lui sera présenté en avril prochain, au même endroit, Immortel de Nasser Djemaï. Alors Nasser Djemaï est un artiste que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises. Il a fait un grand succès public il y a quelques années avec un spectacle qui s'appelait Invisible. Mais non, avant Invisible, Invisible bien sûr, mais Une étoile pour Noël, où il était acteur, metteur en scène, auteur de son propre texte, et où il racontait finalement, lui, beurre de la deuxième génération, né en France, de parents maghrébins, et quelle était finalement la pression de la société pour aller jusque, c'est ce qu'il racontait dans cette histoire, jusqu'à faire changer par le biais des amitiés avec un autre enfant de sa classe, faire changer sa nature, puisque la maman qui le prenait en main, si je puis dire, de son camarade, allait jusqu'à lui faire teindre les cheveux en blond pour qu'il ressemble vraiment à un petit Français bien de chez nous. Donc ça, c'était son premier spectacle, et il a fait depuis là, plongeant dans l'écriture pour les autres, et un spectacle que nous avons accueilli il y a 2 ans, et qui est toujours un spectacle qui tourne d'ailleurs, et qui était son premier opus d'écriture pour les autres. Et Invisible parler des Tchibani, vous savez, ces Africains beurs, enfin Algériens, Marocains, Arabes en tout cas, pas d'Afrique noire, qui se retrouvaient en France et qui se trouvaient dans les foyers Sonacotra, ou qui se trouvaient dans les usines Peugeot, Renault ou autres dans notre beau pays, et qui en fait avaient une conception de la relation au pays colonisateur qui était celle de disparaître finalement dans la société, de ne pas et de taire leur culture et de s'imprégner, de se mêler, de disparaître, de se fondre dans la société française. Donc il avait un très beau spectacle où il est allé chercher quelques comédiens en phase avec ce projet et de l'âge des rôles, puisque c'était des gens qui avaient une cinquantaine ou soixantaine d'années. Et puis là, il passe à une autre étape avec ce spectacle qu'il appelle Immortel, et après s'être occupé de lui jeune et puis des plus vieux, donc il y avait un regard doux aussi sur sa propre famille dans Invisible. Il y a là dans Immortel un regard sur ce qu'est la jeunesse, et alors il explore, il met un certain nombre de sujets sur la table. Alors, je vous en lis juste un qu'il met en nourriture pour alimenter son spectacle, qui est en cours d'écriture et qui vient d'être mis, qui commence ces jours-ci la mise sur le plateau. Cette jeunesse est pourrie jusqu'au fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme les jeunes d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir la culture. Alors, de quand date cette belle phrase? Eh bien, il nous le dit, Nasser, la quatrième citation, était découverte récemment sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone datant de plus de 3000 ans. C'est dire que le sujet qu'il veut explorer est évidemment le rapport de la jeunesse à la société, et de mettre en évidence la difficulté qu'ont les jeunes gens de s'insérer dans quelque société que ce soit, et en même temps la problématique essentielle qui est celui de la relation entre les générations, et qui est véritablement de toutes les époques, on le voit. Donc on attend avec impatience de voir quelle sera la touche finale. J'ai lu le texte entre les deux. Maintenant, on voit qu'il y a un écart qui est tout à fait intéressant, qui est celui du théâtre, entre le texte dramatique et puis la mise en scène. Donc on est très impatient. Un travail qui est le fruit effectivement de différentes étapes, un travail d'immersion, écriture, dramaturgie, résidence avec les acteurs, ce retour un peu sur première expérience et ensuite finalisation de l'écriture. Oui, c'est un peu un processus qui est quand même assez commun aujourd'hui, sans être banalisé, qui est celui finalement des metteurs en scène qui ne conçoivent pas l'écriture pour le plateau comme étant un objet sacralisé dont les metteurs en scène devraient se saisir pour en faire une interprétation sur la scène. Non, c'est plutôt une sorte d'aller-retour dans lequel finalement l'auteur, qui est ici à la fois fois auteur et metteur en scène, va aller puiser l'espace le plus adéquat entre l'idée qu'il se fait du projet, sa traduction sur le plateau, et en concourant évidemment beaucoup aux idées qui peuvent émaner, et aux perceptions, à la manière dont les artistes comédiens s'emparent de ces propositions. Donc c'est vraiment une méthode qui est tout à fait dynamique et tout à fait intéressante, et quelque part peut-être plus que le montage ex nihilo de texte avec le regard sacralisé du metteur en scène. Personnage central de cette pièce, Joachim, très timide, introverti, un peu coupé du monde depuis un accident où il a perdu son frère. C'est un parcours initiatique, l'histoire qui nous est proposée, suivre la reconstruction d'un adolescent détruit par la mort de son grand frère. Et tout cela, effectivement, sera présenté sur scène au mois d'avril prochain, du 8 au 11 avril. C'est à l'Apostrophe, au Théâtre des Arts à Cergy-Centre. 7 comédiens sur scène pour s'emparer de ce sujet qui est une belle matière à la fois théâtrale et une belle matière à réflexion sur cette thématique dont il est question et dont on va continuer de vous parler au cours de cette émission, un parcours adolescent à l'Apostrophe. Dans quelques minutes, on va évoquer le colloque, mais entre-temps, on va faire un petit détour en musique sur une proposition de l'un de nos invités, c'est Xavier Gassman. Vous avez choisi la suite andalouse de Pedro Soler et de Renaud Garcia Fons. C'est une belle invitation, un choix par hasard ou plus profond ce choix musical ? Pas par hasard, Renaud Garcia Fons est un musicien que j'apprécie beaucoup, justement par sa création, l'originalité musicale qu'il a su construire à travers les échanges et la rencontre entre les musiques et les origines musicales, et je trouve que ça donne toujours une musicalité assez, une sonorité très très originale. Voilà. Suite andalouse, c'est sur RGB. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Actualité à suivre, le colloque adolescence et création, nouveaux enjeux, nouvelles enjeux, les 15 et 16 novembre à Cergy-Pontoise, la première journée à l'université de Cergy-Pontoise et le samedi 16 novembre au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Pour en parler, avec Jean-Joël Le Chaplin, deux autres invités, Sylvie Prodiac, maître de conférence au département des lettres modernes à cette même université de Cergy-Pontoise, secrétaire du conseil d'administration de l'apostrophe et écrivain. Oui, elle écrit, mais elle va parler au micro de RGB, assurément. Et pour ce faire, autre invité, Xavier Gassman, ce qui vient de nous offrir cette proposition musicale autour de cette suite andalouse. Il est psychanalyste et psychologue clinicien à l'hôpital René Dubos à Pontoise. Alors peut-être Jean-Joël Le Chapelain, si nous faire une petite introduction sur le pourquoi de ce colloque qui s'inscrit dans la saison aussi de l'apostrophe, colloque adolescence et création. On voit bien qu'il y a une résonance aussi avec les spectacles dont on vient de parler il y a quelques instants. Oui, enfin, l'introduction sera très courte parce que les deux acteurs qui sont en présence ici sont plutôt les porteurs forts de ce projet et c'est plutôt à eux de parler de la genèse et de cette relation qui peut exister entre finalement une mise en débat de ces questions d'adolescence et puis des lieux de spectacle comme nous et qui s'inscrivent dans les relations de partenariat que nous avons déjà depuis plusieurs années. Mais nos deux invités sont très à même de présenter et d'exposer le sujet. Sylvie Brodziak, justement, sur cette thématique, sur cet intitulé « Adolescence et création », de nouveaux enjeux, assurément. Oui, alors je n'ai pas tellement insisté sur la thématique, je vais laisser mon partenaire, enfin du moins en parler. Xavier Gassman, parce que en fait c'est une rencontre donc d'une part entre deux grandes institutions, qui est l'Université de Cergy-Pontoise et l'hôpital de Pontoise, et ça c'est très très important, puisque même si nous n'avons pas une fac santé de santé à Cergy-Pontoise, par contre nous nous intéressons beaucoup à ce secteur. Et puis également c'est une rencontre entre des adolescents, non pas particuliers, mais qui pratiquent donc d'une discipline artistique, et une autre formation qui s'appelle la licence professionnelle médiation culturelle et valorisation des expressions artistiques, que j'ai eu le plaisir de monter, et qui forme ce que l'on peut appeler des passeurs d'imaginaire. Et donc parmi les imaginaires, il y a les imaginaires artistiques et puis il y a aussi des publics spécifiques. Et donc, ce sont ces adolescents. Et j'ai trouvé cela fort intéressant de travailler avec donc, l'esquisse et de préparer ce colloque. Xavier Gassman, quand on parle du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, c'est peut-être plus particulièrement l'hôpital de jour pour adolescents, non ? Alors, je vais le resituer. Voilà. C'est plus spécifiquement le service de médecine et psychopathologie de l'adolescent et du jeune adulte, dont Anne Perret est chef de service. Et donc, le resituer, c'est peut-être aussi l'inscrire dans une histoire, peut-être aussi pour redonner le sens à ce colloque. C'est-à-dire, c'est une création de service qui s'est faite justement dans des rencontres, comme le disait Sylvie Brodziak, par rapport à une population adolescente qui était accueillie jusqu'alors dans les services principalement de pédiatrie, qui était en grande, pour certains, qui venaient à la suite de passages à l'acte, notamment suicidaires, hein, mais pas seulement. Il y avait aussi des adolescentes avec des problématiques anorexiques et autres. Et il nous a semblé important, justement, au niveau de l'hôpital, de construire un espace qui reçoive l'adolescent naturellement à partir de son symptôme, mais qui ne vise pas simplement à être dans une démarche orthopédique qui viserait simplement à abraser le symptôme, mais de soutenir une démarche de création, c'est-à-dire de penser l'adolescence non pas simplement comme une maladie, hein, comme ça a tendance souvent à être dit, les adolescents et tout ce qui va avec, mais de penser l'adolescence comme une période créative, hein, c'est-à-dire où le sujet va s'expérimenter pour pouvoir advenir comme sujet dans un environnement qui est le sien et qui est différent de ce qu'il est pour nous, puisque eux sont dans un moment de construction encore. Hein. Et donc c'était surtout aussi ne pas les figer. Et donc c'était soutenir aussi dans la démarche pour ces adolescents une démarche d'ouverture, hein, et de les amener, alors là où on rencontrait nous en tant que cliniciens des adolescents très souvent figés dans leur pensée, arrêtés dans certains cas dans la pensée, donc avec des mécanismes d'inhibition assez massifs, au contraire de relancer cette vie psychique, mais de passer justement par une proposition artistique, non pas dans l'idée que les artistes de transformer les artistes en art-thérapeutes ou en thérapeutes, mais au contraire, que ces adolescents fassent l'expérience d'une rencontre avec un artiste qui vient leur proposer la manière dont lui, l'artiste, se débrouille avec certaines questions telles que vous avez traitées jusqu'alors, hein, et qu'il puisse, avec ces artistes, faire l'expérience, des expériences qui très souvent sont annulées pour eux-mêmes dans tout ce qui est le champ social, hein, tel qu'ils pourraient le rencontrer, puisque ce sont souvent les adolescents que nous on reçoit qui sont plutôt retranchés que inscrits dans le lien social. On n'est pas dans l'art-thérapie, comme certains se pourraient le dire de manière un peu raccourcie, on est bien dans du créatif. Alors voilà, justement, notre parti pris, c'est justement de solliciter des artistes qui sont en activité, donc justement c'est en cela qu'on a fait le lien avec l'apostrophe, avec Maubuisson et puis avec aussi notre association qui s'appelle Artefact, c'est-à-dire de travailler avec des artistes qui sont eux-mêmes dans l'expérience de création. Et donc ces artistes soutiennent cette expérience avec les adolescents. Donc ils invitent les adolescents dans un projet de création à part entière. Et donc l'idée de ce colloque, pour faire le lien avec justement l'objet qui nous réunit aujourd'hui là, c'est de pouvoir rencontrer qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers, mais qu'est-ce qui se passe tant d'un point de vue clinique, mais aussi du côté des artistes, parce que les artistes ont quelque chose à en dire de ce qui se passe pour eux. Et surtout de s'interroger, mais en quoi la création, ça permet justement cette relance psychique, voyez ? Et donc de permettre, qu'est-ce qui fait que par cette démarche de création, ces adolescents, petit à petit, ils vont se réanimer psychiquement, hein ? C'est-à-dire qu'ils vont sortir de cette anesthésie psychique. Et ça... Et quand vous parlez de création, c'est dans quelle discipline artistique en particulier ? Alors, c'est vrai que nous, on a la chance, avec justement les différents partenaires que j'ai cités, d'avoir pu développer comme ça... des activités extrêmement larges, très différentes, et surtout à partir de ce que chaque artiste porte. Donc il en va de l'écriture, par exemple, avec Félix Pruvot, qui est artiste en résidence, si je ne me trompe pas, à l'apostrophe, avec Françoise Vallon-Morphy aussi, qui est également à l'apostrophe. Il y a Agnès Caffier, qui est plasticienne en résistance à Maubuisson. Et puis Alvaro Morel, qui est danseur, Xavier Boïda, musicien, Fabienne Ankawa, qui est metteur en scène et comédienne, et Zoran Pejic, qui est également photographe. Donc il y a là une pluralité de médias, je pourrais dire comme cela, et par lesquels ces adolescents vont faire le choix d'une rencontre aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils choisissent à la fois l'objet que l'artiste leur propose, mais aussi la rencontre avec l'artiste. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces artistes, ils leur proposent, non pas de... Je vais le dire de cette façon-là, parce que souvent, on a tendance à évoquer la pratique artistique à l'hôpital de cette façon-là. Il ne s'agit pas de les occuper. Il s'agit de véritablement les amener dans une expérience où ces artistes sont eux-mêmes. C'est-à-dire dans l'expérience de l'écriture, quand ils sont du côté de l'écriture. Et les artistes leur font entendre aussi la manière dont eux-mêmes sont aux prises avec cet objet. C'est-à-dire que c'est pas un cours, comme dit Félix, par exemple, moi je suis pas là pour vérifier si vous faites des fautes d'orthographe, c'est pas mon souci. Ce qui est par exemple, alors vous voyez, un élément comme celui-là, c'est un élément fondamental pour ces jeunes qui connaissent l'écriture principalement par le cadre scolaire. Là, c'est d'écrire au sens d'aller rencontrer en soi quelque chose d'inattendu. On avait fait une expérience récemment avec Jean-Joël Le Chaplin et l'apostrophe autour de la pratique de l'écriture, et on avait invité Jeanne Champagne, qui a été une des premières artistes à travailler avec nous autour de Duras. Et justement, sur cette expérience de l'écriture, c'est-à-dire qu'est-ce que l'adolescent vient trouver dans l'écriture ? Et je dirais que c'est de la même façon ce qui va se passer pour chacun des médias qu'ils vont rencontrer là. Chaque individu a un potentiel de créativité, de création, malade ou pas. Alors, c'est vrai que par ce biais-là, on ne les prend pas simplement... Alors, justement, je vais le dire comme ça, on ne les prend pas comme des sujets malades. On les prend par des sujets à part entière, hein, mais qui sont en panne. Alors, c'est facile de le dire de cette façon-là, mais qui sont aux prises avec une pensée qu'ils ne peuvent plus utiliser, hein, c'est-à-dire où la pensée est attaquée. et leur permettre d'ouvrir cette pensée, c'est justement leur permettre de penser les questions qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être un sujet à un moment donné dans notre temps social, hein. C'est-à-dire c'est aussi se penser comme sujet différencié par rapport à leur histoire personnelle. Vous avez parlé d'Œdipe tout à l'heure, c'est le cheminement de tout un sujet œdipien par excellence, comme le disait tout à l'heure le metteur en scène. L'adolescence, c'est forcément effectivement une période de la vie où bien à la fois il peut y avoir de l'épanouissement, du trouble, plein de questionnements, voire beaucoup d'incompréhension de son entourage, de son environnement. On parlait tout à l'heure effectivement beaucoup dans les clichés réduisent l'adolescence aujourd'hui. Il suffit de voir un petit peu la manière que cela peut être traité aussi dans les grands médias aujourd'hui, voir la télé-réalité et les séries télévisées pour s'en rendre compte, où on réduit, où on dit que l'adolescence est perçue comme une sorte de maladie incurable qui s'aggrave d'une génération à l'autre. Et c'est vrai que là, il faut réagir et démontrer que cela est complètement... On ne peut pas d'abord avoir un postulat pour généraliser tous ces effets sur cette période de l'adolescence. Et les artistes sont là pour aussi montrer que cela est possible. Alors, je crois qu'on pourrait dire que c'est une période fragile, mais c'est une période fragile comme tout sujet dans sa vie va rencontrer des périodes fragiles. Hein. Et peut-être que la question dans notre temps social aujourd'hui, où on est dans un temps de l'hyper-performance, dans quelle mesure un sujet aujourd'hui peut faire droit de sa fragilité, hein. Et cette fragilité, c'est aussi ce avec quoi le sujet va pouvoir, dans un moment d'introspection, hein, trouver, faire ces trouvailles qui vont être les siennes. Hein. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de potentiel, c'est-à-dire, effectivement, c'est aller chercher ces adolescents autour de ces potentialités et de ne pas les réduire. Alors, effectivement, comme vous le dites là, du côté des clichés médiatiques et sociaux, où on a tendance à enfermer l'adolescent, soit comme le danger public, hein, c'est-à-dire, c'est ce que rappelait Jean-Joël Le Chapelain tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui va mettre en danger le temps social, mais comme cela a toujours été vrai. Hein, mais c'est de penser l'adolescent comme aussi quelqu'un qui vient nous apporter un regard sur le temps social qui est le nôtre. C'est-à-dire que je crois que par ces adolescents, ils viennent aussi nous dire quelque chose de la manière dont on pense le sujet dans notre champ social aujourd'hui. Et je crois que les adolescents sont un peu des révélateurs des impasses, à un moment donné, de notre... je vais le redire comme ça, de notre système. Hein, c'est-à-dire, dans une société hyper-performante où il ne doit y avoir l'expression d'aucune fragilité, puisqu'on a tous les soi-disant remèdes qui permettent d'être toujours performants, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand le sujet est en fragilité, hein, et quelle place on lui accorde et quelle place on donne aussi à toutes ces formes, à l'expression du sujet, hors des clichés sociaux consuméristes qui ordonnent notre temps actuel. Dernier mot, qu'est-ce que vous attendez de ce colloque qui, je le rappelle, a pour titre « Nouveaux enjeux, nouvelles enjeux », en dehors des échanges d'expériences, des retours d'expériences, des expressions partagées, quelles sont les attentes à travers un tel colloque, un tel événement? Alors, les attentes, je vais reprendre ce qu'a dit Sylvie Brodiac tout à l'heure, c'est la question des rencontres. Je pense que pour nous, c'est un moment qui doit permettre de faire advenir une pluralité de discours. C'est-à-dire que, vous voyez, on a voulu justement qu'il y ait des philosophes, hein, Paul Audy, des psys, mais aussi des artistes, des professionnels du champ social et éducatif, des responsables institutionnels comme Jean-Joël Le Chapelain au niveau des activités culturelles, mais surtout qu'on entende en quoi cette question nous occupe aujourd'hui et en quoi on permet, vous voyez, quand on parle de nouvelles enjeux, hein, c'est-à-dire en quoi on permet dans la société qui est la nôtre aujourd'hui de faire advenir du sujet à part entière et non pas de favoriser une désubjectivation. Voyez, et ça, je crois que c'est un point qui pour nous est très important. On a beaucoup travaillé autour de ce colloque avec le travail d'Agamben sur la question du dispositif, par exemple. C'est-à-dire dans quelle mesure les dispositifs actuels soutiennent du sujet, hein, c'est-à-dire des sujets qui peuvent prendre position dans notre espace social, ou bien est-ce qu'on favorise uniquement des sujets de la désubjectivation consumériste, c'est-à-dire où il s'agit simplement d'être acteur d'une consommation et de ne pas prendre position. Voilà. Donc, ce qu'on attend beaucoup, pour reprendre, c'est que ça soit une pluralité d'expressions où on puisse entendre comment chacun intervient autour de ces questions, qu'est-ce qu'il y rencontre, et aussi, et je crois que c'est une question qui nous importe aussi, pourquoi on se rencontre autour de ces questions ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les artistes viennent à notre rencontre et pourquoi nous, on va les rencontrer aussi ? Et qu'on puisse entendre là, ben, qu'est-ce qui peut, quel est l'intérêt de ces rencontres autour de ces adolescents, et peut-être pas simplement autour, mais aussi avec ces adolescents. Voilà. Merci Xavier Gassman. Je rappelle, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicien à l'hôpital René Dubos à Ars-Pontoise. Le colloque Adolescence et création, nouveaux enjeux, nouvelles enjeux. Vendredi 15 novembre de 9h à 18h à l'université de Cergy-Pontoise. Je suppose que c'est le site des chaînes. Sylvie Brodziak va me faire un petit signe de la tête. Et le samedi 16 novembre de 9h à 17h au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Deux jours de colloque. Donc à vivre en direct et à partager par le plus grand nombre, car cette thématique de l'adolescence devrait concerner nous tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, parents, futurs parents et adolescents eux-mêmes concernés par toute cette proposition, cette réflexion à partager ensemble. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission, c'est les actions culturelles. L'action culturelle. Action culturelle qui va nous être présentée par Astrid Cosson, de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise. On va commencer, Astrid, eh bien, je crois savoir, par être adolescent, c'est quoi ? Oui, tout à fait. Être adolescent à l'apostrophe, ça veut dire quoi et c'est quoi ? Je ne peux qu'adhérer à tout le... Le micro, Astrid. Je ne peux qu'adhérer, pardon, à tout le discours de Xavier Gassman sur l'adolescence, puisque ça a été en parallèle toutes ces années, un peu notre cheminement à l'apostrophe. En fait, pour nous, l'adolescence, effectivement, était un peu une frontière entre l'enfance et, l'âge adulte, où l'on quitte douloureusement le temps de l'enfance. Et en fait, on s'est rendu compte que sur notre territoire, il y avait beaucoup d'offres, de propositions artistiques à destination du jeune public allant de la crèche jusqu'au primaire, puis après des offres artistiques adultes et entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Il nous est apparu donc important de pouvoir offrir en fait aux adolescents de l'agglomération cette fenêtre artistique qui leur est consacrée complètement, puisque de nombreux artistes comme Tina Kartama ou Nasser Djemaï offrent en fait une vision et un regard toujours juste sur l'adolescence, où effectivement c'est un temps particulier de la démesure, du questionnement, des folies, et bien loin effectivement des clichés représentatifs, en tout cas de l'adolescence. Tous ces artistes n'offrent pas une vitrine de l'adolescence, on ne vient pas voir de l'adolescence, mais c'est bien des spectacles proposés aux adolescents qui leur permettent en fait, tout simplement d'être des spectateurs autonome et libre de penser, en fait. Donc, notre but à l'apostrophe, par ces spectacles qui sont proposés par Elisabeth Boss, est de leur offrir un espace de liberté. Voilà. Donc, il y a des propositions artistiques, pardon. Et puis, on leur offre, comme on aime accompagner les spectateurs, petits ou grands, à l'apostrophe, dans un réel parcours de spectateurs, ils ont la possibilité de venir visiter l'envers du décor avec leur classe, de venir visiter les coulisses du théâtre. Pour certains, ceux qui sont en atelier de pratique artistique, ils ont l'occasion de rencontrer des gens comme Félix Pruvot, ils ont l'occasion de rencontrer les artistes des compagnies que nous avons en résidence. Donc ils ont une sensibilité comme ça aux compagnies que l'on accueille. On fait sur le plateau, les soirs de représentation, des rencontres à l'issue des spectacles. Donc, À un moment donné, ils peuvent également se transformer en journalistes en herbe, puisque forts de cette expérience qu'ils vivent au quotidien dans ces ateliers avec les artistes, ils peuvent préparer en amont avec leurs professeurs des questions, préparer un petit peu les choses et nourrir en fait le temps du débat, de la rencontre à l'issue de la représentation. Quand on parle des adolescents, c'est pas simplement pour en parler entre adultes, mais les adolescents sont les bienvenus à l'apostrophe. Ils ont tout à fait leur place et leur parole et la bienvenue. Il y a évidemment le Facebook de l'apostrophe où ils peuvent nous faire des retours de leur impression de spectateurs. Pourquoi pas un jour les entendre ici sur votre antenne. Ils peuvent également devenir de véritables spectateurs relais puisque pour certains qui sont en études culturelles, soit au lycée Camille Claudel à Vauréal en danse ou en art plastique, ou les étudiants à l'université de Cergy-Pontoise, pouvoir s'associer aux amis de l'apostrophe, devenir un spectateur relais et participer à tous les projets de la maison qui permettent de faire rencontrer la population et l'art, comme par exemple le projet intergénérationnel, où là ils peuvent devenir des spectateurs pivots. C'est pour ces jeunes gens qui se destinent à des métiers culturels, très certainement une plus-value dans leur parcours. Ils peuvent également venir au cœur du comité de lecture, découvrir l'écriture contemporaine aujourd'hui, et ça les enrichit dans leur parcours, effectivement. Rapidement, un petit mot sur Melting Pot, très court, puisque le temps de l'émission arrive à son terme. Alors, les Melting Pot, c'est un temps fort à l'apostrophe, qui met là en lumière vraiment l'ensemble des ateliers que nous avons en lien avec l'éducation nationale. Donc c'est deux jours d'intense création où tous les ateliers de danse, de théâtre, tous ces jeunes gens se retrouvent pendant deux jours au Théâtre des Louvrais. Alors accompagnés de leurs professeurs, accompagnés des artistes qui les suivent dans le courant de la saison. Et en fait, on décide pendant deux jours de tout décloisonner. Donc un étudiant qui a un atelier de théâtre va pouvoir se retrouver avec d'autres jeunes gens en atelier danse, avec un intervenant artistique qui n'est pas forcément le sien à ce moment-là, et un sujet est tiré au sort, et chacun part travailler, et puis on clôt cette journée par une séance de représentation de tous ces petits travaux d'improvisation, et nous avons de nombreux partenaires sur le territoire qui nous permettent d'accueillir ces plus de 400 élèves sur deux jours. Donc le lycée Pissarro nous ouvre ses portes, ainsi que la maison de quartier du Théâtre des Louvrais, pour pouvoir créer toutes ces petites cellules d'atelier. Voilà, alors en quelques chiffres, c'est plus de 400 élèves sur le plateau en deux jours, et 16 artistes intervenants qui s'occupent de tout ça. Merci Astrid Cosson pour toutes ces informations pleines d'enthousiasme et de vie, comme c'est le cas à longueur d'année à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Vie qui est destinée à tous et à toutes, quel que soit notre âge, on l'a bien compris, au travers de cette émission aujourd'hui. Pour prendre contact avec l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, vous pouvez le faire par téléphone au 01 34 20 14 14. 01 34 20 14 14 ou bien sur internet au www.l'apostrophe en un seul mot l'apostrophe.net www.l'apostrophe.net. Remerciements à nos invités qui sont intervenus au cours de cette émission: Antoine Cobet, metteur en scène en résidence à l'apostrophe, Xavier Gassman, psychanalyste et psychologue clinicien à l'hôpital René Dubos, Sylvie Brodiac, maître de conférence au département des lettres modernes à l'université de Cergy-Pontoise, et enfin Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'apostrophe, avec qui nous coproduisons cette émission sur l'antenne de votre radio locale RGB. Remerciements également à Arnaud Vasseur qui est dans l'ombre et qui m'a aidé à préparer cette émission, et à Jérôme L'Hôtelier qui l'a réalisée de main de maître. Cette émission animée par votre serviteur et néanmoins animateur José Guérin sera rediffusée de ce samedi 12 octobre de 9h à 10h du matin sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur internet au www.radio-rgb.net. Puis ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de votre radio préférée. Pour le prochain numéro de l'Apostrophe, l'émission, eh bien, rendez-vous est donné à vous, à nous tous, le mercredi 13 novembre de 19 à 20h. D'ici là, portez-vous bien. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.